Voici maintenant les trois extraits que j'ai choisis et enregistrés pour vous dans Une saison en enfer, écrite par Rimbaud en 1873, alors qu'il avait 19 ans.